Merci Maëlys, à demain. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, mardi, deuxième moment de notre série en quatre épisodes consacrée à l'écrivain américain Francis Scott Fitzgerald, d'une émission de Laurence Genepin, Laurent Travaglichanal, Anne-Vanessa Prévost, Didier Pinault, Rafik Zénine et derrière la console, c'est Nicolas Slimani. Il est mort en 1940, à l'âge de 44 ans seulement, détruit par l'alcool et la dépression, après avoir été avec sa femme Zelda le couple le plus en vue des États-Unis. Précurseur de Paul Morand ou de Sagan en France, de Styron ou de Salinger aux États-Unis, il a décrit son époque, celle de l'âge du jazz et des Roaring Twenties, avec une grande subtilité. Et tout cela tout au long de sa vie que nous a rappelé hier Liliane Kerjean dans une émission à retrouver en podcast. Ses grands romans, il s'appelle Gatsby le Magnifique ou Tendre et la Nuit, mais il a également publié de nombreuses nouvelles et nous reviendrons sur un certain nombre de ses œuvres demain avec la traductrice et universitaire Julie Wolkenstein ainsi qu'avec l'écrivain et éditeur Charles Danzig. Enfin jeudi, Antoine Cazé replacera Fitzgerald au sein de cette histoire de la littérature américaine dont il a fait le sujet de l'un de ses livres pour les presses universitaires de France. Et l'écrivain Gilles Leroy viendra nous raconter la vie de la fascinante Zelda Fitzgerald. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour revisiter la vie de Francis Scott à l'aune de quelques grands thèmes de son œuvre, nous sommes en compagnie d'Elisabeth Bouzon-Villers, professeure à l'université Jean Monnet de Saint-Étienne, où elle enseigne la littérature et la civilisation américaine. Elle est l'auteur de l'essai biographique Francis Scott Fitzgerald, écrivain du déséquilibre, publié en 2000 aux éditions Belin dans la collection Voix américaine. Et on commence cette émission par une lettre de Maxwell Perkins, l'éditeur de Fitzgerald, le félicitant pour son roman Gatsby le Magnifique. Dear Scott, j'estime que vous avez toutes les raisons d'être fier de ce livre. C'est un roman extraordinaire qui induit toutes sortes de réflexions et d'états d'âme. Vous avez exactement choisi la seule manière de le raconter, à savoir l'emploi d'un narrateur qui est davantage un spectateur qu'un acteur. Ceci place le lecteur sur un poste d'observation d'un niveau plus élevé que celui où se trouvent les personnages et à une distance qui donne de la perspective. Rien d'autre n'aurait pu rendre votre ironie aussi terriblement efficace ou permettre au lecteur d'éprouver fugacement l'étrangeté de la condition humaine dans un univers aussi vaste qu'insouciant. Par les yeux du docteur Eckelberg, de nombreux lecteurs percevront différentes significations. Mais leur présence confère à l'ensemble du livre une touche superbe. Immenses yeux qui ne sillent pas, dénués d'expression, qui contemplent d'en haut le théâtre humain. Une lecture par Laurence Hué. Bonjour Elisabeth Bouzon-Villers. Bonjour. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit en premier quand vous entendez cet extrait ou quand vous pensez d'ailleurs à ce livre Gatsby le Magnifique ? Alors, suite à l'extrait, on imagine ce panneau du docteur Eckelberg dans la vallée des cendres et on retient de l'écriture... Un panneau publicitaire un peu délavé. Voilà, un peu délavé, des yeux qui dominent cette vallée qui est en fait le grand dépotoir de New York, donc l'envers du New York étincelant. Et ce passage nous rappelle l'habileté avec laquelle Fitzgerald nous donne des choses à voir. Et c'était son objectif, puisque à la suite de l'écrit de Conrad sur le nègre du Narcisse, la préface que Conrad a écrit à propos de son texte Le nègre du Narcisse, Fitzgerald comptait nous donner des choses à voir. Mm-hmm. Il comptait susciter chez nous des émotions. C'est vrai que c'est un écrivain très précis. Il y a une mécanique comme ça, très très forte dans ses livres. Et en même temps, qu'il est un poète, qu'il est un grand romancier, il garde un peu cette image un peu dégradée de dandy inconséquent. Est-ce que vous avez l'impression que finalement l'œuvre est un peu cachée par la vie? C'est un dandy, effectivement. Depuis tout petit, Liliane Kerjean l'a rappelé dans l'émission précédente, son allure est celle d'un dandy. Il veut se donner cette apparence. Et en même temps, pour la littérature, il la prend terriblement au sérieux, en fait. Mais est-ce qu'on l'a pris vraiment au sérieux? Parce que dans l'entre-deux-guerres, un certain nombre de critiques parlaient de cet écrivain de talent dont les promesses sont demeurées inaccomplies. Je pense que on a souvent oublié l'œuvre derrière la vie pleine de facéties d'un homme qui prenait la littérature au sérieux, mais qui dans son quotidien était parfois très peu sérieux lui-même. Et c'est peut-être ce que l'on avait déjà avec Edgar Allan Poe, qui avait des penchants pour l'alcool et qui, quand il écrivait ses histoires extraordinaires, était extrêmement méticuleux. D'ailleurs, il s'en voulait beaucoup quand il avait une soirée mondaine qui l'empêchait de terminer une nouvelle. Et il disait, il a fallu aller voir un tel, voilà une nouvelle de gâchée. Donc il y a quand même toujours cette espèce de compétition entre son travail et puis ces espèces d'obligations mondaines qu'il se met. Oui, il y a ce monde de paillettes, c'est l'âge du jazz. Il a lui-même forgé l'expression, d'après lui. Et en même temps, il y a l'écriture qui est quelque chose de très important pour lui, de sérieux. Et puis, outre cette tension entre la vie de l'âge du jazz et l'écriture, il y a une autre tension, celle de l'écriture pour faire face à ses obligations financières et l'écriture qui est plus sérieuse, celle des romans. On pourra y revenir d'ailleurs sur ce point. Prosateur, il l'est évidemment, mais c'est peut-être le plus poète des prosateurs américains de son époque, Elisabeth Bouzon-Villers. Oui, on dit que c'est l'un des romanciers américains de l'entre-deux-guerres, le plus poétique. En même temps, il avait des difficultés avec l'orthographe, la grammaire. Les poètes n'ont pas besoin d'avoir une bonne orthographe. Sa maison d'édition, son éditeur n'ont pas pris soin de contrôler ce genre de choses. Mais très certainement, il est le romancier poétique de sa génération. On le voit dans tous ses romans, cette irrigation de la prose par la poésie. Il montre un intérêt pour la poésie très jeune. Pour le théâtre aussi, d'ailleurs. Mais je pense que c'est vraiment avec Gatsby le Magnifique que l'on a l'exemple de cette prose poétique. Qui est une poésie aussi d'atmosphère, une poésie qui touche beaucoup les lieux, la lumière, les endroits, les objets. Oui, l'universitaire français, le premier à avoir travaillé sur l'œuvre de Fitzgerald, André Levotte, a noté tout le symbolisme des couleurs avec un roman entièrement fondé sur ce symbolisme des couleurs qui fait partie de la poésie de l'œuvre en question. Oui. Tendre est la nuit est d'ailleurs un extrait d'un poème de John Keats, Tender is the Night. On a d'ailleurs un petit film d'époque qui montre Fitzgerald en train de lire le poème. Ah bah justement, on va écouter cet extrait. As if of hemlock I had drunk or emptied some dull opiate to the drains. A moment since and leafy word had sunk. Vous retrouvez dans cette lecture ce rythme qu'affectionnait Fitzgerald, Elisabeth Bouzon-Villers, vous l'entendez? Parce que c'est lui qui lit ce poème de Keats. Oui, on sent une lecture assez passionnée, presque dramatique. Il avait une affection tout particulière pour ce romancier anglais, oui. Sa conception du temps, comment retenir le temps et les regrets que le temps peut apporter. C'est l'ode à un rossignol, de Keats. Il n'a pas écrit pourtant réellement de poésie. Non, il s'est essayé à la poésie quand il était jeune. Ensuite, il s'est concentré sur les romans et les nouvelles. Alors, on l'a dit, la vie cache un petit peu l'œuvre de Fitzgerald et en même temps, toute sa vie semble dans son œuvre, Elisabeth Bouzon-Villers, même si lui-même était très critique vis-à-vis de la notion même de biographie. Alors, effectivement, on retrouve sa vie, son époque à travers son œuvre et en même temps, son écriture bouleverse ce cadre référentiel. Par exemple, dans Gatsby, on retrouve le New York de l'époque où il a vécu. Et en même temps, c'est un New York qui ressemble presque à une ville de science-fiction avec une description qui n'est aucunement réaliste. Qu'est-ce qui la rend non réaliste, selon vous, cette description de New York ? C'est la poésie du texte, en fait. La ville est présentée d'une manière fantastique, qui n'est en aucune mesure en lien avec la réalité. Alors, il disait, la biographie, de toute façon, des romanciers est impossible à faire parce que les romanciers sont toujours plusieurs personnes à la fois. Effectivement, et commentant sa propre vie et son talent d'écrivain, il disait qu'on pouvait y trouver une certaine grandeur épique. Effectivement, sa vie avait de multiples facettes et il a laissé de nombreuses traces écrites avec cette sensation que l'on s'intéresserait à son cas. Liliane Kerjean l'a rappelé dans l'émission précédente, il voulait être le plus grand écrivain de son temps, c'est-à-dire le plus grand homme. Et en même temps, il sait que toute vie est un processus de démolition, il l'a écrit. Comment peut-il finalement être tout à la fois tous ces personnages et en même temps vivre dans la perspective de la mort qui, évidemment, sera rapide, puisque toute vie est un processus de démolition. Alors, toute vie est un processus de démolition, c'est ce qu'il annonce en 1936, au début de son texte, La Fêlure. Il s'est acheminé vers cette conclusion extrêmement pessimiste. Progressivement, il n'empêche que dès les années 20, il dit que toutes ces histoires comportent une touche de désastre. Même si dans ses premiers écrits des années 20, il décrit l'Amérique de la réussite économique, l'Amérique de l'âge du jazz. Dans Gatsby, on note que pour certains passages, on reconnaîtrait presque le rythme de la musique de jazz. C'est votre avis aussi ? Ça dépend peut-être des traditions. Je pense que il faudra lire le texte. Déjà, il faut le lire en anglais. Dans la langue d'origine. Ce qui est certain, c'est qu'il a une vision assez pessimiste des choses, même au moment de sa grande réussite littéraire et au moment où l'Amérique est encore en pleine réussite économique et culturelle. Il y a cette touche de désastre, quoi qu'il en soit. Et ce malaise de Fitzgerald, pour vous, il remonte aux origines. C'est là qu'il faut aller le chercher, y compris dans les origines familiales. Lui qui n'est pas tout à fait un bourgeois, lui qui est un enfant du Middle West, c'est-à-dire pas non plus un enfant de la Nouvelle-Angleterre. Donc il est un petit peu relégué, même géographiquement. Alors, dans ce Saint-Paul où il est né, il voisine avec de très riches familles. D'ailleurs, du côté maternel, on est commerçant, on a de l'argent. Mais il y a ce sentiment de ne pas appartenir à la classe sociale la plus élevée, d'être très légèrement un imposteur dans le quartier où il habite. Et il a ce besoin de trouver sa place, ce qui lui vaudra plus tard des moqueries quant à sa vision des riches. Mm-hmm. Hemingway, dans Les Neiges du Kilimandjaro, se moquera ouvertement de lui en disant qu'il a cet attrait tout particulier pour les riches, et il se moquera de Fitzgerald à ce sujet. Donc il y a les origines sociales, et puis il y a les origines familiales, et notamment, alors on a parlé des deux branches de la famille avec Liliane Kerjean, mais les origines familiales, c'est aussi le poids de la mère. Et vous parlez beaucoup de cette mère très protectrice. Qu'est-ce qui, pour vous, est important dans le rapport de Fitzgerald à sa mère? Alors, il avait cette mère très protectrice qui, Liliane Kerjean l'a rappelé, avait perdu deux enfants avant lui. Et il est intéressant, du point de vue littéraire, de se souvenir de ses mots à ce sujet. Il dit que sa mère avait perdu deux enfants avant sa naissance. Et il affirme « Je crois que je suis devenu écrivain à cet instant-là, suite à cette perte. » Il devient écrivain, on l'a dit hier avec son premier roman « Loin du paradis », dont voici à présent un extrait. C'était toujours du devenir qu'il rêvait, jamais de l'être. Cela aussi était très caractéristique d'Amaury. À cette époque, il s'était montré timide, mais rayonnant intérieurement, dans son premier pantalon, rehaussé d'un nœud accordéon violet, de chaussettes violettes et d'un mouchoir bordé de violet à la poche de son veston. Mais il avait surtout formulé sa première philosophie, un code auquel conformait sa vie qui, autant qu'on puisse le définir, était une sorte d'égotisme aristocratique. Il avait compris que ses intérêts étaient liés à ceux de quelqu'un de fluctuant, changeant, dont l'étiquette, afin qu'on puisse toujours identifier son passé avec lui, était Amaury Blaine. Amaury s'estima un garçon fortuné, capable d'expansion infinie dans le mal ou le bien. Il ne se croyait pas de force de caractère, mais il avait confiance en ses facilités, il apprenait plutôt vite, en son esprit supérieur, il lisait des tas de livres profonds. Il était fier de ne pouvoir jamais devenir un génie mécanique ou scientifique. Aucun autre sommet ne lui était interdit. Petit A, physiquement, Amaury pensait être extrêmement beau. Il l'était. Il estimait avoir des possibilités en tant qu'athlète, de la souplesse en tant que danseur. Petit B, socialement, c'est ici peut-être que son état était le plus dangereux. Il s'accordait personnalité, charme, magnétisme, assurance, le pouvoir de dominer tous les hommes de sa génération, le don de fasciner toutes les femmes. Petit C, intellectuellement, supériorité totale, incontestée. Compagnie des auteurs sur France Culture, et cet extrait lu par Guillaume Gallienne, Elisabeth Bouzon-Villers, c'est un portrait de Fitzgerald lui-même en Narcisse, ce qu'on vient d'entendre. Oui, c'est le portrait d'un étudiant de Princeton qui se rêve écrivain. Qui est autobiographique. Là, on est sûr que d'être dans le domaine de l'auto-référentiel, en fait, c'est avec des cet étudiant a des aspirations littéraires démesurées qui correspondent au personnage de l'auteur lui-même. Oui. C'est un roman avec lequel il va connaître un très grand succès. Est-ce qu'on peut le comparer, par exemple, à Bret Easton Ellis dans les années 80, cette espèce de roman comme ça générationnel? C'est effectivement un roman générationnel qui va mettre en scène la jeunesse de l'époque. Et c'est son succès de librairie. Il n'y en a pas eu d'autres, en fait, tellement. C'est le seul. De son vivant, évidemment. Oui, après, il y en aura beaucoup. De son vivant, son vrai succès de librairie. Les jeunes vont l'acheter pour voir l'image que l'on donne d'eux. Et les familles vont acheter ce roman pour voir ce qui se passe quand les jeunes sont entre eux. Mais que font les jeunes? C'est la question que tout le monde, évidemment, se pose à l'époque et sans doute toujours aujourd'hui. Son deuxième roman, c'est « Beau et damné ». Et là, c'est le premier grand récit de chute. Il va y en avoir beaucoup des chutes chez Fitzgerald. Et c'est un thème qu'il inaugure finalement avec « Beau et damné », Elisabeth Bouzon-Villers. Il inaugure ce thème et d'une certaine façon, il préfigure ce qui va lui arriver. Il y a toujours ce lien entre l'écriture et la vie. Il est difficile de s'en détacher. Il met en scène dans ce roman deux écrivains, un écrivain à succès, un écrivain, le héros du roman, Anthony Patch, qui tente de réussir, qui reçoit des refus, et ceci, bien sûr, a des échos avec la propre vie de Fitzgerald. Il faut dire que son premier roman n'a pas été le premier qu'il a proposé à des éditeurs. Il y a eu des refus aussi avant celui qui a été publié. Son premier roman avait était écrit sous une première formule qui a été refusée. Il a dû se rabattre pour gagner sa vie sur le monde publicitaire. Et puis, avec acharnement, il l'a modifié, représenté et il a été accepté. Et ce fut vraiment un succès de librairie. Mmh. Alors, Anthony Patch, c'est vraiment un personnage fitzgeraldien qui semblait, je cite, n'avoir hérité de rien d'autre que de l'immense tradition de la faillite humaine. Voilà un beau thème fitzgeraldien. Oui, et il incarne cette faillite et le roman se termine sur un Anthony Patch qui, contre vents et marées, a finalement réussi à obtenir l'héritage familial dont il avait été privé dans un premier temps, mais il a perdu sa santé dans sa quête de cet héritage, mais aussi dans ses facéties et frivolités qui sont tout à fait en accord avec la période de l'âge du jazz. Il y a une morale là-dedans ? Il y a une morale chez Fitzgerald ? Il y a en tout cas une chute qui est peut-être une crainte pour l'écrivain lui-même. Alors la faillite, elle est humaine, mais elle n'est pas que humaine. Hein. C'est la crise de 29 aussi, crise nationale, crise mondiale, avant-guerre bien menaçant. Donc la faillite, elle est psychologique et économique. Et ces deux thèmes, ces deux motifs sont assez symétriques chez Fitzgerald. Alors, il utilise d'ailleurs le vocabulaire financier pour parler des émotions. Il parle de banqueroute émotionnelle. Il a cette idée que l'homme a un capital émotionnel et que limité, oui, et qu'il risque à la longue de l'épuiser. Et quand arrive la chute, quand Wall Street s'effondre, il se trouve que chez les Fitzgerald, Zelda elle-même s'effondre psychologiquement. Et les Fitzgerald eux-mêmes se retrouvent dans une situation de crise extrême avec alcoolisme, schizophrénie. Et finalement, leur destin suit le destin du pays. C'est la génération perdue, comme l'a appelé Gertrude Stein. Gertrude Stein avait, semble-t-il, baptisé cette génération ainsi, et Hemingway, en épigraphe du Soleil se lève aussi, a placé cette citation « Vous êtes tous une génération perdue ». Et c'est un terme qu'on retrouve d'ailleurs dans la nouvelle de Fitzgerald qui s'appelle « Les nageurs ». Cette génération perdue, elle est désabusée, elle est instable et elle est agitée. Amaury, le personnage principal dans Loin du paradis, dit « Je suis agité, toute ma génération est agitée ». D'où elle vient cette agitation ? Qu'est-ce qu'elle signifie ? Il semblerait qu'elle est la conséquence de la guerre, en fait. C'est une génération qui est soit partie au combat, soit qui a subi la déception de, finalement, de la façon dont cette guerre s'est terminée, dont les traités de paix ont été conclus. Cette agitation... Donc une agitation liée à l'histoire pour vous ? Liée à l'histoire. Et qui correspond aussi à l'ambiance culturelle de l'époque, avec cette trépidation de la nouvelle vie urbaine, de la musique de jazz. Pour la première fois, on va reconnaître un intérêt à cette culture des Noirs américains au travers de cette musique. On a cette agitation extrême que l'on retrouve à travers toute l'œuvre et de Fitzgerald. Et par exemple, dans Gatsby le Magnifique, on note que Gatsby n'est jamais immobile. Mmh. Alors, un extrait de L'après-midi d'un écrivain, lu par Jean Martin. C'est une nouvelle qui met en scène un écrivain. Vous allez nous dire ce qu'il faut en retenir. Après le petit déjeuner, il s'allongea pendant un quart d'heure, puis il alla dans le bureau et il se mit au travail. Il avait des problèmes avec une nouvelle pour un magazine qui devenait si mince vers le milieu qu'elle risquait de s'envoler. L'intrigue montait, degré après degré, un escalier sans fin, il n'avait pas en réserve le moindre élément de surprise et les personnages qui étaient partis d'un si bon pied l'avant-veille n'auraient pas passé dans une bande dessinée. Si, j'ai vraiment besoin de sortir, pensa-t-il. J'aimerais aller faire un tour dans la vallée de Shenandoah ou aller en bateau à Norfolk. Mais ces deux idées étaient aussi impraticables l'une que l'autre. Elles exigeaient du temps et de l'énergie. Et il manquait des deux. Le peu qu'il en avait, il fallait le garder en réserve pour son travail. Il parcourut son manuscrit en soulignant les bons passages au crayon rouge. Une fois ceux-ci rangés dans une chemise, il déchira le reste lentement et le jeta à la corbeille à papier, puis il se mit à arpenter la pièce. Il fumait et il parlait tout seul de temps en temps. « Voyons, voyons, voyons, voyons un peu, là, là, là, là, là, là, là, il faudrait ensuite que... eh ben alors... Au bout d'un moment, il s'assit en pensant « Je suis complètement sec. Je n'aurais pas dû toucher un crayon depuis 2 jours. » La compagnie des auteurs sur France Culture, qu'est-ce que vous retenez de cet extrait, Elisabeth Bouzon-Villers, qui est presque un journal de ses propres difficultés à écrire ? Alors, ces difficultés à écrire, elles apparaissent de plus en plus... Au début des années 30, en fait, et en 36, il y aura la fêlure pour laquelle, on lui propose d'écrire, pour pouvoir le payer, il faut qu'il écrive quelque chose, au pire, répéter sur plusieurs feuilles, plusieurs fois de suite, qu'il est incapable d'écrire. Peut-être qu'on pourrait, il me semble qu'avec cette énorme difficulté à écrire et ce ressassement sur cette difficulté, on a vraiment ce que Faulkner a nommé un échec splendide. Faulkner disait que on échoue de toute façon dans la tentative d'atteindre nos rêves, mais c'est un échec splendide d'essayer malgré tout. Mmh. Et il me semble qu'avec Fitzgerald, on a vraiment cet échec splendide. Alors, le style de Fitzgerald, il n'est pas tout à fait facile à qualifier. Prenons un terme au hasard, est-ce qu'il est classique pour vous ? Je dirais plutôt qu'il est moderne. Et progressivement, avec le temps, il est de plus en plus moderne et moderne, moderniste. Il s'inspire des auteurs classiques qui l'ont précédé. C'était un grand lecteur, mais il lisait toutes sortes de choses. Et il est devenu classique pour nous et pour tous les Américains qui l'ont étudié en classe. C'est un grand classique américain, mais il révolutionne quand même l'écriture de son temps avec une proposition moderne. Sa vie et son écriture épousent l'évolution de la première moitié du XXe siècle. Il est l'écrivain du paradis perdu des années folles. Oui, il met en scène ces années folles. Il met particulièrement en scène la jeune fille des années folles, la garçonne, la flapper. Et en même temps, il en montre les failles. Les échecs, de même sorte qu'il met en scène la chute de l'Amérique. En fait, une période très optimiste pour l'Amérique, mais les auteurs de l'époque sont les premiers à remettre en question ce rêve américain. et justement à travers la description de la fête, parce que les fêtes sont les lieux où il y a du désordre, où il y a des ténèbres, troubles. La fête est effrayante finalement chez Fitzgerald. Oui, ce sont des fêtes et on comprend pourquoi le cinéma s'est emparé de textes comme Gatsby le Magnifique à plusieurs reprises, puisque ces fêtes disent quelque chose de très sombre sur l'époque. Mmh. Elles disent quoi ? Elles se mêlent des questions d'argent, de gangstérisme, de perte d'illusion. Elles disent la fracture de la nation et la perte de ce rêve américain, tandis que les générations précédentes avaient célébré l'expérience américaine. Elle parle de cette fracture aussi que représente l'Ouest des États-Unis versus l'Est des États-Unis, que représente la fracture raciale aussi, parce que Fitzgerald est très attentif, notamment dans Gatsby, à travers le personnage de Tom, qui est très largement un personnage raciste. Il est très attentif à montrer aussi cet aspect de la société américaine, alors qu'on est encore dans l'entre-deux-guerres. Alors la réflexion sur les questions raciales, elle semble être discrète, mais de toute évidence, un personnage comme Tom Buchanan qui professe des stupidités sur les différences de race et il y a presque l'idée du grand remplacement déjà dans voilà, son discours. Les questions raciales apparaissent en touche très très fine. On voit un moment quand Gatsby traverse un pont, il croise une voiture avec à bord des noirs et un chauffeur blanc. Donc une nouvelle perception de la société, des possibilités nouvelles pour les minorités. Et Fitzgerald ne s'est pas appesanti sur ces questions raciales, mais on remarque de petites touches dans son écriture à ce sujet. C'est souvent par l'ironie vis-à-vis d'un personnage dont on sent qu'il ne l'aime pas tellement. Je vous propose de marquer une petite pause, Elisabeth Bouzon-Villard, dans notre émission. On va se retrouver d'ici quelques minutes, mais tout de suite, c'est En Compagnie des Revues. La Compagnie des Auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. En Compagnie des Revues, aujourd'hui avec Delphine Perra. Bonjour Delphine. Bonjour Mathieu. Vous êtes journaliste dans la rubrique Livre du magazine L'Express. Quel est votre livre préféré de Fitzgerald ? Écoutez, sans hésitation Mathieu, je vous dirais Tendre et la nuit. Mm-hmm. C'est vraiment un roman qui m'a beaucoup marqué, ému, remué. Et puis je profite de ce titre pour vous proposer de me suivre jusqu'à l'aube. Ben oui, exactement, c'est ce qu'on vous demande. En voilà une transition, en effet, à l'aube est le nouveau roman de Philippe Djian, le 29e, qui vient de paraître chez Gallimard et qui est au menu du guide Livre de l'Express qui paraîtra demain. Le 3. Mercredi. Mercredi, alors mercredi c'est 2, demain. Je crois. Voilà, c'est ça, en kiosque. Il m'a beaucoup plu. J'avais été un peu déçue par les deux précédents, mais celui-là est vraiment un excellent millésime. Et puis, il nous permet de rester aux États-Unis, car l'auteur de 37.2 le matin passe en effet pour le plus américain des écrivains français. De fait, il a toujours revendiqué sa préférence pour la littérature américaine et il assume très ouvertement d'écrire sous les auspices de Salinger, mais aussi de Jacques Kerouac, de Raymond Carver, de Charles Bukowski, d'Ernest Hemingway ou encore de Richard Brautigan. Du reste, Philippe Djian a plus d'une fois situé ses romans outre-Atlantique. Et c'est le cas encore cette fois-ci puisque ça se passe en Nouvelle-Angleterre. En effet, Mathieu, à l'aube se déroule sur la côte est des États-Unis, dans le Massachusetts, et plus exactement à Cambridge, non loin de Boston, où d'ailleurs Philippe Djian a habité un temps. Son héroïne, Joanne, 33 ans, célibataire endurcie, on comprendra pourquoi, vient d'apprendre la mort de ses parents dans un accident de voiture. Pas de quoi la chagriner outre mesure qu'elle était en rupture de ban avec eux depuis une quinzaine d'années, ne supportant pas les obsessions d'activistes écolo-gauchistes, toujours à faire le coup de poing. Ce qui l'ennuie surtout, Joanne, c'est de devoir retourner dans la maison familiale en banlieue de Cambridge pour s'occuper de son jeune frère Marlon, autiste. À 25 ans, il supporte toujours mal de rester seul, surtout dès que la nuit tombe. Et cette nouvelle organisation va rallonger les trajets de Joanne, qui pour se rendre au magasin de vêtements vintage où elle travaille, à Cambridge, sous la férule de son amie Dora. Mais surtout, elle complique ses activités de call girl au sein d'un réseau tenu par la même Dora. Ajoutez à cela la réapparition d'un certain Howard, bel homme, le sosie de Paul Newman, nous dit Philippe Dian. C'est dire, qui devient son client après avoir été l'amant de sa mère et qui veut la persuader de fouiller la maison, la fameuse maison familiale, pour mettre la main sur un prétendu trésor accumulé par ses défunts parents. Malgré la présence réconfortante de son voisin shérif, un certain John, Johan devient vite à cran et le lecteur lui aussi se retrouve sur les charbons ardents. Et pourquoi ? D'où vient cette tension ? Eh bien écoutez Mathieu, de tous les côtés j'ai envie de dire. D'abord, à commencer par la forme, celle de Philippe Dian. Philippe Dian lui porte ici très haut son art de l'ellipse. Il n'y a pas de tiret pour indiquer les dialogues, pas de point d'interrogation là où on les attend, des pronoms « elle » ou « il » dont on sait sur le moment à qui il se réfère. Enfin, voilà, le lecteur est un peu perdu au début. Du coup, une extension maximale nous est demandée, et c'est tant mieux, parce qu'on se prend vite à ce jeu de pistes très stimulant et gratifiant. Et puis avec cette façon de brouiller les pistes, en mêlant oralité et narration, le style de Dian brille plus que jamais par sa simplicité, son efficacité, voire sa brutalité. En fait, sa plume ne prend pas de gants, en somme, et c'est vraiment captivant, ça fonctionne très très bien. Et puis la tension vient du récit lui-même, des angoisses de Johan, car outre la présence menaçante de cet Howard, là, qui l'incite vraiment à mettre la main sur ce fameux trésor, elle doit composer avec l'emprise qu'exerce une voisine, une certaine Anne-Margaret, la soixantaine, emprise qu'elle exerce sur le fameux Marlon, son frère. Elle en était la babysitter et elle est devenue sa maîtresse, à temps plein. Et du coup, elle menace la complicité fragile entre le frère et la sœur. Et puis, les clients de cette dernière, dont je rappelle qu'elle est call girl, ne sont pas de tout repos. En fait, À l'aube est un titre trompeur. Ce roman se révèle carrément crépusculaire. La violence est souvent présente, psychique, quand elle n'est pas physique. Et finalement, on est très proche du roman noir, là, à la limite du polar. Bon, il y a quand même quelques moments de répit. Oui, alors justement, ça nous rappelle un peu Fitzgerald, lors d'escapades à Martha's Vineyard ou à Nantucket, hein, ces deux îles de la Nouvelle-Angleterre très prisées par la Jet Set Intello. Ça, encore c'est vraiment le répit. Voilà. Et c'est très tranquille là-bas, on est très bien. Vous êtes allé peut-être ? Non, je ne suis pas allé, mais j'ai vu des photos. Ah, bah, d'accord. Obama y va souvent. Oui, avant lui, il y avait Clinton, l'auteur de Philippe Dian, l'auteur de Marlène, il décrit en détail, bah, lui, je pense qu'il la connaît aussi bien, cette Nouvelle-Angleterre. Donc, il y a aussi de la douceur dans la relation de Johan avec son frère, dans leur, je cite, improbable et patiente adaptation mutuelle. Parce que par la voix de son héroïne, Dian évoque l'autisme avec tact, avec justesse, même dans son rapport à la sexualité. Le regard de Johan sur son frère est toujours bienveillant, trop peut-être, trop protecteur, trop inquiet. Hélas, c'est la gravité qui aura le dernier mot. Comme souvent chez Dian, merci Delphine Perra. Tout cela et bien plus encore à retrouver dans les colonnes de l'Express en kiosque demain. C'est la compagnie des auteurs que vous écoutez sur France Culture au deuxième jour d'une série consacrée à Francis Scott Fitzgerald et aussi un peu à Zelda, sa femme, Zelda qui a publié, elle, un unique roman qui s'appelle « Accordez-moi cette valse ». C'est un roman très autobiographique dans lequel on reconnaît évidemment Scott sous les traits du personnage de David. Voici le récit de leur rencontre. Danser avec David, c'était comme respirer de bonnes nouvelles. Être tout contre lui, le visage enfoui entre son oreille et son col droit d'officier. C'était comme pénétrer dans les réserves souterraines d'un luxueux magasin de soierie, exhalant les parfums caractéristiques de la batiste, du lin et du luxe en bal. Elle était jalouse de son attitude distante, de sa pâleur racée. Lorsqu'elle le voyait quitter la piste de danse avec d'autres filles, le ressentiment qu'elle éprouvait n'était pas provoqué par son intimité momentanée avec ses filles, mais avec le fait qu'il en conduisit d'autres qu'elle dans ces régions fraîches et détachées qu'il était seul à habiter. Il la raccompagna chez elle et ils s'assirent tous les deux devant la cheminée, laissant s'immobiliser tout ce qui leur était étranger. Les flammes se reflétaient sur les dents du jeune homme et éclairaient son visage de qualité transcendantale. Ses traits dansaient devant les yeux d'Alabama avec la constante esquive d'un ballon en celluloïde sur le jet d'eau d'un stand de tir. Elle savait que son propre visage brillait à la lumière du feu comme le sirop d'un confiseur, comme une réclame représentant une jeune fille en train de lécher une glace à la fraise au mois de juin. Elle se demandait si David savait à quel point elle se sentait satisfaite d'elle-même. Une lecture par Guillaume Gallienne. Alors à quoi ça ressemble finalement ce roman, Accordez-moi cette valse? Est-ce que c'est du Fitzgerald, Scott Fitzgerald à la sauce de Zelda? Est-ce que c'est autre chose? Alors quand Zelda a choisi de s'adonner à l'écriture, elle s'est trouvée en compétition avec son époux. Et quand elle publie Accordez-moi cette valse, c'est 2 ans avant Tendre et la nuit, et Scott finalement accepte cette publication, mais il y a entre eux cette idée qu'il y a compétition avec un fond de autobiographique commun. Mmh. Et oui, ils gardent la même matière, évidemment, puisqu'ils ne parlent que d'eux. Leur vie est matière à écriture, d'autant plus que Fitzgerald dira lui-même que l'écriture, pour lui, provient d'émotions très profondes, personnelles. À son avis, un écrivain ressasse toujours les mêmes choses. Il a vécu deux ou trois événements très marquants. Et finalement, il réécrit toujours la même chose à partir de ces deux ou trois événements marquants de sa vie, événements joyeux ou durs. Il n'empêche que, étant mariés, leur matériel est le même. Ils partent du même fond. Oui. C'était un séducteur, parce que on parlera avec Gilles Leroy de rapports qu'ils avaient tous les deux dans leur couple, mais l'un comme l'autre sont des séducteurs dans tous les sens du terme. Ils se sont en tout cas beaucoup mis en scène. On a de nombreuses photographies où on les sent très séducteurs. Il est certain qu'ils étaient beaux, ils étaient admirés, du moins pendant leur jeunesse. Et il y a ce côté de séducteur pour chacun d'entre eux, en fait. Avant Zelda, il y avait eu Ginevra King, notre amour de Fitzgerald. Ginevra King, Fitzgerald la rencontre quand il est étudiant à Princeton. C'est une riche héritière de Chicago qui va le marquer profondément dans son écriture. Il évoquera toujours cette jeune fille riche que le garçon pauvre qu'il était en fait ne peut jamais finalement conquérir. C'est un souvenir qui va le hanter toute sa vie, puis c'est aussi un modèle de cette flappeur dont vous parliez tout à l'heure, la garçonne. Donc cette garçonne qu'il va mettre en scène continuellement dans les nouvelles qu'il publie dans les magazines à succès de l'époque est souvent modelée soit sur Zelda, soit sur cette Ginevra King. C'est lui qui invente un petit peu ce personnage-là, la flappeur. La flappeur, elle apparaît, le terme flappeur en tout cas, qui correspond à notre français garçonne, il apparaît de façon fixe en 1920. À cette époque, on a cette jeune fille moderne qui va s'appeler Flapper. On utilisait le terme précédemment et il y a une sorte de glissement. Ce pouvait être une adolescente, une jeune fille, une prostituée. C'était assez incertain. C'est en 1920 que l'on commence à parler de cette flappeur comme la garçonne qui est la jeune fille des temps modernes. Parce que la garçonne, en français, a une connotation que le terme de flappeur n'a pas vraiment, qui est la connotation androgyne. Effectivement. L'origine de ce terme flappeur est incertain. On parle aussi du jeune, ça pourrait être un jeune oiseau qui sort du nid. Et il y a eu ce mélange. On ne trouve pas en tout cas l'évocation de cette androgynie. Parce que vous avez un chapitre intitulé « La guerre des sexes ». Effectivement, en tout cas dans l'écriture de Fitzgerald, ce qui est mis en scène, c'est une nouvelle femme une garçonne ou flapper avec des comportements complètement différents de ceux des femmes des générations précédentes. Elle est impitoyable, cette flapper. Elle est délurée aussi. Oui, et en fait, ce sera la femme fatale que l'on va également trouver dans les films muets puis parlants que va produire l'usine à rêve d'Hollywood. Mmh. Alors, dans Gatsby, par exemple, la flapper, c'est Jordan. Elle est tout à fait dans le contrôle. Ça, c'est peut-être l'une des caractéristiques aussi des personnages féminins de Fitzgerald. Ce sont des femmes fortes qui contrôlent. Ce sont des femmes qui contrôlent leurs émotions, leur environnement, qui ont des activités complètement différentes de leur mère. Vous citez Jordan, effectivement, c'est une joueuse de golf qui triche d'ailleurs quand elle joue. Elle conduit. Qui conduit très mal, qui manque de renverser à peu près tout le monde. Voilà, elle Mais conduit. Ça n'intéresse pas trop de véhicule. Savoir si elle va renverser quelqu'un, parce que de toute façon, c'est aux autres de faire attention. Voilà, c'est sa philosophie. Elle mène sa barque et. Aux autres de prendre garde. Oui. Alors, il y a évidemment aussi la question d'Hollywood, qui, vous l'avez dit, a repris ce stéréotype de la flapper. Peut-être qu'on peut parler un petit peu de ce rapport au cinéma de Francis Scott Fitzgerald. On sait qu'il va se retrouver comme scénariste à Hollywood. C'est pas tellement ce qu'il avait souhaité au départ, Elisabeth Bouzon-Villers. Alors, ce Hollywood, de nombreux romanciers de l'entre-deux-guerres vont se retrouver là-bas pour raisons financières. Ce sera le cas d'Hemingway, de Faulkner, de Fitzgerald. Et pour eux, c'est quelque chose d'extrêmement difficile à vivre. On ne les manège pas, même s'ils ont réussi comme écrivains. Faulkner parle d'Hollywood en disant que ce sont des mines de sel. Fitzgerald parle du pays des lotophages. Des dépotoirs aussi. Un lieu où on oublie la qualité de ces écrivains. On les traite sans ménagement. On donne les scripts à rédiger à l'un, puis à l'autre. On modifie leur titre. Et finalement, Fitzgerald ne sera cité que pour un film. Il a contribué, par exemple, à Autant en emporte le vent, mais son nom n'apparaît pas. On les traite sans ménagement, mais c'est une façon de gagner sa vie quand la littérature devient plus difficile à comme source de revenus. Mais il y aura toujours les nouvelles, parce que il y a comme une schizophrénie fitzgeraldienne qui est le besoin de gagner de l'argent avec les nouvelles et qui l'empêche de faire son œuvre, parce qu'au fond, il n'y a pas tellement de romans à la fin de Fitzgerald. Certes, il est mort jeune, mais enfin tout de même. Oui, Dos Passos parlait effectivement d'une schizophrénie de l'écrivain. Donc, il est pris entre écrire ses nouvelles pour vivre et écrire les romans qui sont l'activité sérieuse pour lui. Finalement, quand il meurt en 1940, il n'a publié que 4 romans, un est en préparation. En revanche, il a publié, il semblerait d'après l'Américain Jackson Bryer, 178 nouvelles. Mais elles ne restent pas toutes dans les esprits, ces nouvelles. Elles ont été faites peut-être un peu trop rapidement. Et puis surtout, selon les canons de la presse qui les lui commandait. Voilà, il a des instructions précises. C'est pour ça que certains textes ont été retrouvés l'an passé, qui n'étaient pas perdus, mais qui avaient été mis de côté parce qu'ils ne correspondaient pas au canon de l'époque. Ils étaient trop sombres, ils parlaient de suicide, d'hôpital psychiatrique. Voilà, il fallait que ce soit optimiste, une nouvelle pour la grande presse, Hearst. Voilà, ce que l'on veut de lui, finalement, ce qui marche vraiment bien, ce sont des histoires de flappeurs. Et il dira lui-même, je vais devenir fou si on m'en demande encore, c'est quelque chose qu'il devait produire jusqu'à l'écœurement. Ouais. Il y a quand même quelques nouvelles qui sont des réussites. Par exemple, Un diamant gros comme le Ritz, qui date de 1922. Le garçon riche, le 1er mai. Laquelle vous préférez, vous ? Peut-être le palais de glace, où on a cette question géographique, le sud des États-Unis, le sud de Zelda, en fait, où vit au début de la nouvelle l'héroïne. Et puis, elle épouse un garçon du nord, comme Scott, et il l'emmène chez lui pour Et il visite un palais de glace et elle se perd dans le dédale de ce palais de glace. Et elle comprend que le sud lui manque, le nord est trop difficile. Et c'est un lieu aussi où elle s'aperçoit qu'on n'a pas de racines, on n'a pas de famille, on ne connaît pas sa famille plusieurs générations en arrière. La compagnie des auteurs, on continue pour quelques minutes encore de parler de Fitzgerald avec vous, Elisabeth Bouzon-Villers. Alors vous expliquez bien qu'on doit toujours d'une certaine manière regarder l'Amérique en même temps qu'on regarde les romans de Fitzgerald. Dès 1927, il remarque la névrose collective d'une Amérique qui s'emballe selon les lois de l'accélération, exposées d'ailleurs par l'historien Henry Adams. Et c'est vrai que l'économie américaine est en train de courir à sa ruine, mais plus que ça, c'est une évolution de la société, très clairement, il est en avance sur son temps, sur la société de consommation qui arrive, Fitzgerald, et il a compris ce grand mouvement dans lequel on se trouve sans doute aujourd'hui, la société de consommation, comme je le disais, et puis aussi peut-être d'une certaine mondialisation, parce que c'est une élite mondialisée à laquelle appartient Fitzgerald. Effectivement, et c'est peut-être pour cela que ces romans, ces nouvelles vont fourmiller d'objets qui sont le reflet de cette société de consommation. Les voitures, les téléphones, il est vraiment à l'aune de son époque et il en comprend également l'emballement et les failles. Il dira à la fin de la décennie des années 20 que c'était une race devenant hédoniste, décidant de s'amuser, et en même temps c'était selon lui l'orgie la plus chère de toute l'histoire, et cette orgie a pris fin avec la chute de Wall Street. Mmh. Il y a aussi cette idée que c'est un écrivain du faste, mais c'est aussi, et peut-être quand même surtout, un écrivain de l'intériorité, mais il arrive très bien à faire le va-et-vient entre les deux. C'est un écrivain du faste, et effectivement, il est attiré par ce monde des riches, et en même temps, il en repère les erreurs, les failles, et finalement, ce à quoi il s'attache, c'est effectivement à l'expérience humaine intérieure qui transcende les époques. Et il dira que le travail d'un écrivain, c'est d'essayer de sonder l'âme. Donc c'est quelque chose qui dépasse totalement la période qu'il met en scène. Et arriver à saisir un moment de déséquilibre, à la fois chez les êtres et aussi dans le monde en train de bouger dangereusement. C'est ça qui est assez beau, cette mise sur le même plan de ces deux déséquilibres. Oui, c'est le déséquilibre personnel, le déséquilibre de la société et de l'Amérique tout entière. Finalement, il écrit sur ce désordre américain qui est en phase avec un désordre intérieur. Oui. On peut se rappeler d'ailleurs que Gilles Deleuze, dans Critique et Clinique, nous dit que l'expérience de l'écrivain américain est inséparable de l'expérience américaine. C'est exactement ce que l'on trouve ici. Mmh. C'est un monde en mutation, un monde qui bientôt viendra découvrir le cinéma pour tout le monde, le cinéma parlant, un monde où l'argent va prendre aussi de plus en plus de place, un monde où le paraître va prendre aussi de plus en plus de place. Il n'a pas connu les réseaux sociaux, mais enfin finalement, il aurait très bien pu s'intégrer dans cette évolution, Elisabeth Bouzon-Villers. Alors, il s'inquiétait justement de la place du cinéma et de la façon dont le cinéma, qui allait d'ailleurs le faire vivre pendant un temps, la façon dont le cinéma allait peut-être remplacer la littérature. C'était une question qu'il se posait, une inquiétude qui l'agitait. Ouais. Il a été oublié de son vivant. un peu, on savait toujours qui était Fitzgerald, mais on ne le lisait plus ou plus beaucoup. Il a été très vite redécouvert dès les années 50. Alors, effectivement, au moment de son décès, il est oublié. Il vit tant bien que mal à Hollywood grâce au cinéma. Ses amis, les biographes vont s'attacher à sa personne et remettre son œuvre à la portée des lecteurs qui, à partir de ce moment-là, le considéreront comme un classique qu'il faut avoir lu. Un classique qu'il faut continuer de lire. Merci Elisabeth Bouzon-Villeur. Et je rappelle que vous avez publié en 2000 aux éditions Belin le livre intitulé Fitzgerald, écrivain du déséquilibre, ce déséquilibre dont on parlait encore à l'instant. Vous êtes également l'auteur de Louise Erdrich, Métissage et culture, histoire d'Amérique, paru en 2015 aux publications de l'Université de Saint-Étienne. Demain, nous poursuivrons notre semaine consacrée à Fitzgerald en recevant Julie Wolkenstein et Charles Danzig pour parler de Gatsby, mais aussi de Tendre et la nuit, ainsi que de livres et, vous le verrez, vous l'entendrez plutôt, de quelques Rolls. Mais avant cela, comme chaque jour, eh bien, c'est le moment de retrouver la poésie et c'est avec Jacques Bonnafé. Bonjour la compagnie. Aujourd'hui, nous puisons nos poèmes dans Le Dernier Avenir. C'est un recueil de Patrick Lopin. Retenez ce nom. Il est édité par La Rumeur Libre. Alors c'est pour vous. Tu es venu à moi et je t'ai aimé tout. De suite, un langage comme une barque. Crécelle, boîte à musique, un théâtre. D'ombre, un manège ou un kiosque, un... Langage qui m'a fait chercher toute ma vie qui était derrière la chair, parler des choses qui étaient vivant dans les petites lettres sous la rature et leur mur ébloui d'infini. La vie n'est pas une option et on ne peut pas rétrécir jusqu'à pauvre fil sans mémoire. Je suis resté celui qui t'attend, l'éternel étudiant des voix qui persuadent et qu'on ne traduit pas. J'ai fait porte étroite de mes rêves à la passion des ponts du soupir. Je pourrais même donner des dates à mes intervalles et longs silences. Un nom à cette chambre entre le rêve spontané et ton corps. Un parfum têtu de chèvrefeuille au nu de tes épaules, à la manière des amants. Un autre poème choisi plus loin, et on peut choisir de le lire autrement, en s'appuyant par exemple sur les majuscules. Les rues sont sales, les gens tout déneigés du dedans. Ce ne sont plus des personnes, mais des facéties ambulantes. Ce sont des autochromes crédules, cruels et muets d'un rite. Ils ont tous la même voix, ils ne voient plus les autres, ils s'agglutinent, sont illettrés, n'ont jamais lu un livre, sont sans syntaxe et mangés tout cru au parloir du dieu braillard qui tient étal derrière les vitres. Pauvres choses zigognes dessillées au bain-marie du miroir sans sel des âneries. Ils font canne floche au passage piéton, ils sont prévisibles, nantis d'un seul réflexe, bestioles dubitatives bien ficelées dans le paquet, ce qui devait s'ouvrir au premier abîme de paroles les a mangés et engloutis tout cru. Fin du ciel affranchis des chimères. Autre poème, tout à coup tu es parti et ce fut la grande nudité sans armes de mon ciel, timide, la pierre qui survit au frisson, le par terre mis à mal de mes chansons. J'ai connu la mort, mais je ne le savais pas. Je n'avais pas bien fait attention au petit raidillon d'harmonica de mes émotions. Peut-être que le langage, c'est des complaintes de phrases gravées dans la cire d'abeille des émotions. Ce qui compte, c'est le choc de surimpression et passer la grille sans naufrage. Depuis, je m'avance drapé du vêtement immarcessible des flots du langage. J'ai pris figure dans tous les corps de beauté et d'épouvante. J'écris pour que le printemps revienne, pour les gens qui passent, pour donner rendez-vous, pour les volets bleus invincibles de tout un été. Et puis il faut des histoires. Le monde aime les histoires. Et aussi la poésie. Merci Jacques Bonafé. Vous nous lisiez aujourd'hui des poèmes de Patrick Lopin.